L'ouverture de l'exposition nationale des beaux-arts consacrée au 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung a eu lieu le 12 au Palais des Sports de Pyongyang en présence de Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, des cadres intéressés, des peintres et des travailleurs de la ville de Pyongyang. Dans la salle d'exposition, on voit les tableaux de peinture qui montrent la vie révolutionnaire du président brillant avec l'histoire de la patrie du Jutsi, Corée du Soleil, et les exploits immortels des grands hommes coréens et d'autres ouvrages.